bonsoir et bienvenue à Web Musique. Simon Roy en votre compagnie pour la prochaine heure. Plein de bonne musique gratuite ce soir, comme à l'habitude. Donc, pour les petits nouveaux qui se joignent à nous dans cette nouvelle saison à CKRL, vous pouvez consulter la playlist de l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. S'il y a des pièces qui vous intéressent, vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Il y a aussi tous les albums complets. Donc, tout ça est en téléchargement gratuit. On va débuter cette semaine avec un artiste qui nous vient de la ville de Lisbonne au Portugal. C'est Gottfried Istot avec un nom allemand. La pièce s'intitule Verein Samt. C'est sur l'étiquette Enough Records, une étiquette avec un catalogue assez impressionnant de plus de 330 albums en téléchargement gratuit. Donc, allez faire un tour sur Enough Records. C'est pas mal sûr que vous allez retrouver quelque chose qui vous plaît. Tout de suite après Gottfried Istot, on va entendre Black Daylight. C'est nous vient de Chicago. C'est sur l'étiquette allemande Kreschloff Organization. Donc, la pièce de Black Daylight s'intitule Whatever Denisha Wants. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, ben, c'est ça. On débute tout de suite Web Musique. Auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt. Das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da. Vielleicht gab es noch niemals ein so offenes Meer. Vereinsamt, vereinsamt, vereinsamt. de Chicago, c'était Black Daylight avec la pièce Whatever Denisha Wants. C'était sur l'étiquette Kreshloff Organization. On avait débuté avec un artiste de la ville de Lisbonne, c'est Gottfried Estot. C'était la pièce Verensamt sur Enough Records. On poursuit avec un peu de hip-hop à saveur expérimentale. J'ai pris ça sur tout d'abord l'étiquette Haze Netlabel, qui se spécialise surtout dans la musique expérimentale. Je vais faire jouer un peu de Fields of Ohio. C'est donc un duo qui nous vient des États-Unis. Ils collaborent donc via Internet, ils ne restent pas dans la même ville. Je vous fais entendre leur pièce de Watchtowers of Sandusky. Vous allez voir, vraiment spécial, ça mélange un peu de vieux bluegrass, un vieux jazz des années 30 avec musique un peu plus moderne. Ensuite, tout ça après Fields of Ohio, on va entendre Dave, c'est un artiste qui nous vient de la ville de Vienne en Autriche. C'est sur Recommended Records, je vous fais entendre la pièce Nostalgia of an Ex-Gangster Rapper. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite Fields of Ohio à Web Music. Vraiment spécial comme pièce, donc c'était Nostalgia of an Ex-Gangster Rapper. C'était par Deef, un artiste qui nous vient de Vienne en Autriche. C'était sur l'étiquette Recommended Records. Avant ça, c'était Fields of Ohio avec la pièce The Watchtowers of Sandusky. On poursuit avec cette fois-ci un artiste polonais du nom de Deft Aphid. C'est la pièce I Can Do Anything. C'est donc sur l'étiquette Section 27 Net Label. tout de suite après un artiste allemand que j'adore, Terrorhythmus, avec la pièce Rooms. Terrorhythmus qui joue un peu dans le trap, dans le joke. Donc, toujours des trucs intéressants. Allez voir son profil sur SoundCloud, vraiment tordant comme artiste. Donc, on écoute tout de suite Deft Aphid. Where the hell I'm gonna look? Not in a tree or in a damn textbook. Libraries are a thing in the past, 'cause cell phones have dictionaries and thesaurus apps. Gotta get granny from the doctor real soon, but I'm watching epic fail videos on YouTube. Oops, sorry grandma, now she jumping on the bus. Hope she doesn't get hungry, but I did pack her a lunch, and she didn't even have a problem getting home. A GPS map is on her Android phone, but I can't believe I gave her all the lunch meat, 'cause now I'm over here with all the damn munchies. Time flies, watching viral videos, put me on autoplay, I ain't touching shit, yo. The internet can get me anything but sleep. Why am I waking up? I didn't know I went to sleep. We got computer waves fused with our brain cells. What's the internet? We cyborgs over here. Rage against every single little mental monster. Just don't touch my search engine here. Life at the speed of light. I could do anything with these nanobytes. An IP lost is a love scorn. Why enter the matrix when you can internet porn? I don't need fiber optics or cord extensions. I am no computer. I don't need fiber optics or cord extensions. I am no computer. I chew your hair so I can floss it up. Grab the keys and get in my car. Hey, ambition, we're gonna go far. So don't look back. It helps if you focus on the road. If there's bodies, don't stop, just go. Bitch to the throats of this Camaro. I ain't shit from the fast windows. Hail to the almighty hell, bitch roads. Hail to the almighty yellow brick roads. And I might have already lost control. Grab the white suits, put my eyes in that TV. So that's gone too. So back up this whole clear everything. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre un artiste allemand du nom de Terror Rhythmus. C'était sa pièce Rooms. Avant ça, de la Pologne, c'était Deft Aphid avec sa pièce I Can Do Anything. C'était ça, publié sur l'étiquette Section 27 Netlabel. Ça aussi, un Netlabel vraiment prolifique. Beaucoup d'artistes dans le catalogue. Donc, je vous invite à visiter Section 27 pour plein de bonnes musiques. Comme je disais en début d'émission, vous pouvez télécharger les pièces de façon gratuite et légale. Vous pouvez retrouver donc le site de l'émission au www.webmusique.ca. Vous pouvez vous rendre sur le site de CKRL et consulter la section programmation et aller sur Webmusique. Vous allez avoir le lien vers la page de l'émission. Donc, tous les artistes sont en téléchargement gratuit. Ça ne veut pas dire que, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours contribuer au succès de ces artistes-là en partageant les pièces que vous téléchargez. Vous pouvez même leur faire un don, souvent, il y a un bouton PayPal si vous appréciez vraiment. Mais c'est ça, je vous invite vraiment à partager leur musique si vous l'appréciez. Nous, on va faire une courte pause, puis Webmusic vous revient tout de suite après. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers, ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui la bonne cuivrée au thé. Yeah! Rite ça! Cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 16 septembre, 20h au Cercle, rouge contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. Le Musée de la Civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la Civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. CKRL. De retour à Webmusic, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Si durant les pièces, vous avez donc des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Vous pouvez me rejoindre en studio au 418-640-1586 ou via courriel à webmusic@gmail.com ou vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'émission. Il y a toutes différentes façons de me contacter. On poursuit avec un artiste italien du nom de Capa. Je vous fais entendre sa pièce Sensi Slavi. Vraiment excellent. Ensuite de ça, c'est Maxime Robin, un beatmaker qui demeure à Montréal en ce moment. Il a fait un remix de diverses pièces de Bon Hiver. Donc, il a repris la pièce Minnesota Wyoming. Vous allez voir du Bon Hiver, mais façon hip-hop, vous allez voir, vraiment excellent. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Keep Up. C'est Maxime Robin qui suit tout de suite après. Do you like that beat? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh State of mind grower. Donc, c'était Maxime Robin versus Bon Hiver. Donc, Maxime Robin qui reprenait la pièce de Bon Hiver, la pièce Minnesota, Wyoming. Avant ça, de l'Italie, c'était Capa avec sa pièce Sensi Sglavi. On poursuit avec donc deux artistes sur une excellente étiquette. C'est l'étiquette française Vatican Records. Allez faire un tour sur l'étiquette, un site web complètement pété. Des fois même à la limite du... c'est presque difficile à naviguer comme page, une page vraiment pétée. Donc, si vous êtes curieux, allez faire un petit tour sur Vatican Records. Plein d'albums en téléchargement gratuit. Je vais vous faire passer donc deux pièces. La première est de Optimus Prime. Je vais passer sa pièce Sorry. Ensuite de ça, c'est Vlooper, un artiste québécois, donc avec sa pièce New World Disorder. C'est un hommage donc à Dilla. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, ben, c'est ça, on écoute tout de suite Optimus Prime à Web Music. Cette pièce totalement hypnotisante était de Vlooper, c'était New World Disorder, une pièce donc un remix de Dilla. Avant ça, c'était Optimus Prime avec sa pièce Sorry. Donc, deux artistes publiés sur l'excellente étiquette Vatican Records, une étiquette qui nous vient de la France. On poursuit avec un artiste italien du nom de Sick Rat qui est publié sur Dusted Wax Kingdom, une excellente étiquette de la Bulgarie. Je vais entendre la pièce I Remember, c'est de Sick Rat. Ensuite de ça, donc sur l'étiquette Millennium Jazz, c'est DJ Mentos, un artiste qui nous vient de la ville de New York. Je vais entendre sa pièce Speaking in Keys. Vous allez voir, très mollo, très excellent. Donc on écoute tout de suite Sick Rat. Io sto bene, anche se ho tanta nostalgia. une excellente pièce de DJ Mentos, donc qui nous vient de New York, comme je vous disais tantôt, c'est sa pièce Speaking in Keys. C'était sur Millennium Jazz, une étiquette que j'ai découvert aujourd'hui, qui distribue principalement via Bandcamp, donc allez faire un tour sur Millennium Jazz. Avant ça, de l'Italie, c'était Sick Rat avec la pièce I Remember, c'était sur l'étiquette ça, Dusted Wax Kingdom. Ça va déjà être tout pour Web Music, c'est Cabaret Diaspora qui suit tout de suite après avec Jean-Baptiste Hervé, donc je vous invite à rester à l'antenne de CKRL. On va se quitter sur une dernière pièce, l'artiste s'appelle Trillingo, je vais entendre sa pièce Pretended, c'est donc sur l'étiquette Digital Diamonds. On se quitte là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Music. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Vous aimeriez faire élaguer vos arbres avant que le gel s'installe? Optez pour un professionnel de la santé des arbres. Julien-Pierre Lafrance, arboriculteur et lagueur diplômé, vous offre d'élaguer, de fertiliser ou d'abattre vos arbres tout en vous débarrassant des résidus. Spécialisé en construction dans les arbres, Julien-Pierre Lafrance fait aussi l'installation de tyroliennes, de passerelles et de plateformes sécuritaires. Service conseil disponible. soindesarbres.com ou 418-455-1855. Qu'est-ce que ça prend pour rendre nos enfants plus heureux? Comment faire pour qu'ils soient plus en santé, plus forts et plus confiants? Recommençons à jouer. Chez Participation, nous croyons qu'il faut sortir les casques de vélo des boulamites et rejouer à la cachette.